Atelier de création radiophonique. Le principe écriture. Armand Gatti. Les arbres à la conquête du ciel. Premier temps, les pronoms personnels. Par Hélène Châtelain. Personnage du premier spectacle. Muriel Béguin, Abdelkader Benzemour, Valérie Sellerier, Habiba Chechaoui, Marie-France Cougaud, Pierre Dispense, Georges Dominguez, Nathalie Gonzalez, Hugues Hurtbise, Dominique Jean, Abdelkader Refas, alias Foc, José Vaz, Jean-Michel Villiez, Rosette Winterstein. Personnage du deuxième spectacle, Marie-Thérèse Alcléna, alias Maïté, Anne-Marie d'Oliveira, Christine Diguet, Sassy Groub, Ygrette Bectas, Didier Jacot, Joël Lafont, Éric Le Breton, Christine Mazran, alias Charlotte, Jean-Serge Mola, Pascal Pommier, José Rodriguez Ferreira, alias Geronimo, Michael Stroup, Éric Vincelot, alias Cyril, Marie Zavizlac, Rachel Méchitoua, Stéphane Gatti, le cinéaste, Jésus Martinez, dit El Magno, le passeur, Ponce Pratt, le témoin. Personnage du troisième spectacle, Sabine Audouin, Julien Bassouls, Miguel Canon, Thierry Cazel, Renaud Cousin de Montvezin, Béatrice Dominguez, Françoise Guepfer, Lisiane Laboué, Hélène Lafitte, Claude Ménadi, Jean-Serge Mola, Mohamed Ouladi, Pascal Pommier, Éric Vincelot, alias Cyril, Nadia Rabéi, Patrick Vlaminck. Les personnages permanents, Félix Moussier, Daniel Souk, responsable du CRAFI. Voix, Marie-Claire Marsan, Jackie Sapart, André Wilms et Armand Gatti. Extrait 2, Pourquoi les oiseaux chantent, de Jacques Delamain. Musique, Daniel Souk, Joël Lafont. Toulouse, collaboration technique, Joseph Pantuzzi, Frédéric Ullmann. ACR, groupe de réalisation, Michel Créis, Annie Delers, Marie-Ange Garandeau, Bernard Laniel, Jean-François Néolier. Le principe écriture. Armand Gatti. Les arbres à la conquête du ciel. Premier temps, les pronoms personnels. Je, plus tu, plus il pluriel, plus elle pluriel, plus nous, plus vous, au carré. Dans de la pierre. Mauthausen. Le portail d'entrée sous le mirador. La chaîne de fer. Instrument de torture d'accueil. Mur des lamentations. Bloc 5, des Juifs. Aucun rescapé. Bloc 6. Dortoir et réfectoire de l'intérieur. Bloc 16 à 19. Quarantaine pour soviétiques. Sous terre. 9800 exécutés. Bloc de la mort pour détenu K. Kugel, la balle. Mirador. Dieu veut. On se retrouve au crématoire. Les vocables sont devenus un destin. Et les langues des révolutions perdues brûlent de l'intérieur à travers les signes en qui le massacre a établi ses quartiers d'hiver. Enterrer ces morts vides des crématoires et leurs mots abandonnés par la couleur. Enterrer, c'est dans la terre, pas dans le vent. Alors, on les invente. On les met dans le vent, les mots et leurs morts. Inventer. La bataille du siècle a ses mots propres. Dent du chien, l'odorat, et de l'ombre de l'oiseau, signe de piste. Ilia Moïsevitch, 49 ans, juif balte, ex-déporté du camp de Tattenberg. Matricule 173-173. Présent. Abel Anto Kokolets. 60 ans, juif de Cracovie, ex-déporté du camp de Tattenberg. Matricule 9573. Présent. Joseph Claravel. Affûteur, ex-déporté de la mine de sel. Matricule 6. Présent. Grégory Kravchenko. 30 ans, ukrainien, ex-déporté du camp de Tattenberg. Matricule 7428. Présent. Les jeux plus tu dans une hypothétique bataille aux quatre coins de l'époque. Le jeu plus ils qu'ils seront, cherchant ceux qu'ils ne seront pas. Le jeu plus nous, plus vous, plus ils qu'ils sont, cherchant la réplique dans le toujours même affrontement. Avec qui ? L'inexplicable histoire d'exister à partir d'une grammaire avec comme règle la concordance des temps. Ancien détenu du camp de Tattenberg, un demi-siècle d'existence dont un quart passé dans les camps et les prisons, autant dire un espagnol. Et espèce de sentiment qui venait du fait que le passé, ce qu'on avait vécu, n'avait pas droit en quelque sorte à entrer dans le camp. Au contraire, le désir de vivre au futur, de vivre... divisé par tous les autres. Tu avanceras à l'endroit où se trouve ton groupe. Tu le reconnaîtras. Les matricules se suivent. Un chez-soi dans cette indifférence océanique, toujours tirée au carré. Tu te vois pénétrant comme autrefois sur la place des appels. Un peu moins vite. Les raisons de ta présence ne sont plus les mêmes. Tu voudrais retrouver ton groupe. Chaque matin, il en manque. Les souvenirs qu'on croyait ineffaçables ont quitté leur place. Ils ne sont plus là. Matricules et noms suivent le même chemin que les traces du meurtre. Et te voilà dans l'impossibilité de te nommer, de donner un matricule comme faisant partie d'eux. Pourtant, les trajets sont russes, danois, yougoslaves, espagnols, juifs, français. La bataille toujours renouvelée. Mais fantôme. Auguste G. Celui de 20 ans du quartier de la Vierge des tranchées assassines. Présent. Celui de 40 ans, les boueurs matraqués un soir de grève. Présent. Celui de 60 ans, tel qu'il ne s'est jamais vu. Présent. Rosa. Celle des murs de Berlin, du champ de la maison charbonnière, de la semaine spartakiste et de l'eau froide de la Spree. Présente. Présente. Présente. Présente. Présente. Pourquoi si nombreuse ? Parce qu'il y a autant de Rosa que de fois qui la nomme. Li Jieliu, celui de la longue marche. Des trois saules et de la bataille des sept jours et des sept nuits, celui de la solitude. Présent. mort et les vies de Tchéliou le maquisard, tout comme les feuilles de l'arbre sont innombrables. Alors, peu à peu, s'est organisée un peu cette grammaire qui a donné, bon, des structures théâtrales, qui a donné une façon de penser le monde. Moi, ma façon de penser le monde est profondément née du maquis, de la résistance et du camp. Et je n'ai jamais, et par la suite, quelle que soit l'aventure dans laquelle j'ai été convoyé, quelque chose qui m'offrit humainement, artistiquement, moralement, esthétiquement, quelque chose d'aussi grand et d'aussi exigeant. Et tout le théâtre que j'ai fait, et je crois, donc là je répète, et que je ferai encore, partira toujours de ce point de vue. Et en quelque sorte, un peu tendance, non pas à me sentir marginal dans le théâtre, mais j'ai le sentiment très profond que ce sont les autres qui sont marginaux, pas moi. Tu additionneras les pronoms. Au bas de l'addition, tu seras seul. Les contraintes du camp ont changé. Dramaturgie qui se joue avec d'autres intelligences que la tienne, sur d'autres trajets que les tiens. Quoi qu'il en soit, tu ne poseras aucune question. Trop de défaites y sont mêlées pour toujours les comprendre. Trop de chemins de croix, dits et redits. De tous les internationaux qui ont chanté, il reste encore les spectres et une poignée de pronoms tournant en rond avec eux autour de la place des appels. Tante Sauveur Gatti, dit Armand Gatti, matricule 713. Moi, ma première pièce, théâtre, je ne connaissais pas avant. Et la première pièce, c'est en camp de concentration que je l'ai vue. Je pense que c'était précisément le soir où sont arrivées trois personnes, j'allais dire trois comédiens, c'était trois détenus, ils étaient juifs, et brusquement, ils s'étaient mis dans la tête, dans l'idée que pour relever le moral, il fallait faire du théâtre. Et ils s'étaient mis à construire une pièce. Et une pièce qui tenait en trois mots, c'est-à-dire que c'était « Ich bin, ich war, ich werde sein ». C'est-à-dire « je suis, j'étais, je serai ». Et sur ces trois mots, alors, il y avait toute une série de chants, de mélopées, de, etc. Et quelque chose de très recueilli, très à voix basse, au passé, tout ce qu'avait été, ils ont la diaspora à un moment donné. Et lorsque je dis la plupart, c'est-à-dire qu'il y avait en tout et pour tout, 20 à 30 personnes chaque soir, et ils se calaient sous le chalit, et ensuite, commençait ce spectacle à trois temps, passé, présent, futur. La chose vraiment particulière, la chose paradoxale, c'est que ces trois porteurs de la parole, ces trois porteurs de l'espoir en camp de concentration, n'ont jamais été dénoncés. Alors donc, pour moi, le camp, ça a été la révélation. Et si je n'avais pas été en camp de concentration, je n'aurais jamais, je pense, mis les pieds au théâtre. Je ne savais même pas, lorsque j'ai été déporté, ce que ça pouvait être que le théâtre, étant donné mon milieu, étant donné mon éducation, étant donné les gens que je fréquentais. Et par la suite, disons que cette expérience a été déterminante et ça marquera, jusqu'au moment où j'arrêterai, et ça marquera toujours toutes mes tentatives théâtrales partent et partiront toujours de ce moment-là. L'oiseau n'est jamais tout à fait silencieux. Créature sociable, nerveuse, perpétuellement en alerte, qu'un coup d'aile emporte dans l'espace, il doit communiquer constamment avec ses semblables à travers l'étendue. Il faut que le signal porte loin, perce le vent. Les gosiers aux multiples membranes sortiront des sons différents pour chaque espèce, ayant chacun son expression propre. Évidemment, c'était écrit à l'âge de 16 ans par quelqu'un qui découvrait ce qu'était le monde de l'écriture comme une chose très très riche. Dans très un premier temps, la parole intervenait comme une défense. C'était à la prison de Tulle, la Gestapo de Limoges s'était déplacée pour interrogatoire. C'est de ce dont je me souviens encore maintenant, c'était nocturnes océans peuplés de sphinx brumeux où s'agrippe la main sanglante des prières. Nous ignorons le cri des cataclysmes. J'avais été une des personnes interrogées, et lorsque on a commencé à me poser des questions, j'ai répondu par un poème. Dans les soirs humiliants, les matins sans soleil. Donc, dans le camp, ça a continué. Et alors, j'en suis venu, à un moment donné, disons, à essayer de bâtir un immense poème qui était, pour moi, la fuite du camp. Mais la fuite, c'est-à-dire que le camp perdait de son oppression. Ensuite, lorsque cette mémorisation était faite, comme il y avait dans chaque strophe 5 vers, chaque vers était pris en charge le soir par un doigt de pied que j'appuyais contre le bois du chalet pour essayer de rassembler les strophes. Pour celle à dominante masculine, c'était le pied gauche, et celle à rime féminine, c'était le pied droit. Qui était pour moi la fuite du camp. Mais la fuite, c'est-à-dire que le camp perdait de son oppression, c'est-à-dire il perdait de son impact dans la mesure où, disons, tout ce que je faisais existait en fonction du poème que j'essayais d'imaginer. Dose de vie, dose d'amour, non, dose d'héroïne. Héroïne, mon amour, tu tues mon agonie. À chaque fois que je t'ai... Moi, enfant de nulle part, je me sentais visé et je l'étais. J'avais souffert de quoi, au juste ? D'un peu de tout. Cœur, sexe, race, religion, terreur vitale et péché mortel. Cocktail qui vous soulève la foi. J'étais dans un hôpital de jour, à l'âge de 8 ans, pour la difficulté que j'ai eue. Dans ma classe, c'était terrible. Le maître faisait que... C'était des arbres qui partaient à la conquête du ciel, et puis qui montaient, et puis qui, à un moment donné, l'alimentation qui venait des racines ne pouvant pas soutenir une telle aventure, son existence, pour sa survie, puisque c'était de cela qu'il s'agissait. C'était non seulement avoir l'idée du poème, mais le faire survivre avec le manque de moyens qu'il y avait autour. L'important était dans la tentative et pas dans le fait de réussir. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la réussite, j'ai toujours profondément haï ce mot-là et ce qu'il représente. Et c'est pour ça que je me suis fait par la suite, une espèce de devoir, d'obligation d'être toujours du côté des vaincus, d'être toujours du côté de ceux qui ne réussissent pas. J'ai pris conscience que le mot pouvait être un combat. Et c'est sur ce mot, le principe du combat, que j'ai essayé d'articuler par la suite ce que j'ai écrit. Attention, vital ! Silence ! Interdit de scanner ! Interdit de baiser ! Interdit d'écrire ! Les psychiatrisés ! Étrangers, réfugiés, apatrides, analphabètes. Diagnostic, relégationniste perpétuel, monomaniaque. L'ingrédient. Toulouse, infinitif du verbe perdre. Ce sont les enfants de cet infinitif qui, strate après strate, ont bâti, maçonné, construit cette tentative théâtrale par l'écriture. une écriture portée par trois groupes, le premier, les relégables et les sursitaires en cours de peine, le second, les psychiatrisés, le troisième, les analphabètes et les émigrés essayant de naître à la langue du pays d'accueil. La langue, un français peu francophone le plus souvent, où se retrouvent les accents occitans, espagnols, libyens, tchécoslovaques. Comme le théâtre grec était autrefois fait par les exclus de la cité, en l'occurrence les esclaves, ici le théâtre est fait par les exclus des différentes strates sociales de la ville. C'est l'éternelle dualité à laquelle l'expression se trouve condamnée au choix, les pauvres contre les riches, les exploiteurs contre les exploités, les vainqueurs contre les vaincus. Moi, c'est Eric. Je pourrais être de tous les groupes, c'est pour ça que je suis dans aucun. Je suis sous traitement de tranquillisant pour tenir quelque temps sans boire. Je ne veux pas mourir con sans savoir ce que c'est que d'être bien. Le fric m'a pourri. Je sais que tant que le pognon sera ma seule préoccupation, je passerai à côté d'un tas de choses. Je ne sais pas si je dois commencer par la drogue à 13 ans ou le délirium à 20 ans. Drogue, alcool et délinquance m'ont préoccupé davantage que les études ou l'apprentissage. J'aime tout ce qui est planant parce que je ne vois que moi. J'essaye d'être sincère, je suis mal barré. J'étais berger, j'ai gardé les vaches et les chevaux. Mon père est venu me chercher pour aller vivre en France avec lui. Mon père est venu me chercher pour vivre à l'é... Oh merde. Lis-moi, pour... Attends. Mon père est venu me chercher. Mon père est venu me chercher pour aller vivre en France avec lui. Ça y est. Tu redis. Michael, groupe des analphabètes. Jsem politický uprchlík z Československa. Je suis réfugié de Tchécoslovaquie. Là-bas, je savais qui j'étais. Ici, je ne sais plus. Là-bas, la police voulait ma collaboration contre mes amis de la charte 77. Surtout le verbe. Votre dignité, c'est le verbe. Donc, on va partir de la parole. C'est ça, notre base. Alors, il faut que vous soyez porteur de parole. Mais presque au sens indien. Le gosier aux multiples membranes sortiront des sons différents pour chaque espèce, ayant chacun son expression propre. Le cri d'appel rallie la bande dispersée. Le signal d'alarme éclate, sous les coups de la surprise, ou naît en sourdine. Comme chuchoté de proche en proche. Moi, je ne connaissais pas... comment ils appellent ? Ramon Gatti. Oui, Gatti. Je ne le connaissais pas, mais je ne le connaissais que de nom. C'est mon frère, il m'a expliqué. C'est comme ça que, quand il est venu la première fois que je l'ai vu, qu'il a dit qu'il s'appelait Ramon Gatti, et j'ai tout de suite compris que c'est de lui qui parlait mon frère. Lorsque j'ai arrivé, j'ai l'impression que j'étais dans la rentrée de classe. Hein. J'ai vu tout le monde discuter entre eux. Moi, j'étais tout seul à côté d'un mur. J'étais tout seul. Voilà. Chacun se regarde. La nuit venait de porter son fardeau d'âme jusqu'à l'aube. J'ai décroché le téléphone sans grande conviction. L'hôpital, ça enlève la pêche. L'éternel allô a retenti. Le stage, c'est pour demain. Et le lendemain, je suis sorti sac en main de ma cage blanc cassé pour aller poser mon cul, pauvre piaf, sur une chaise dans une salle aussi morne que ma chambre d'hôpital. Et j'ai écouté pendant des heures sans me lasser. Puis, fasciné, je suis rentré chez moi, avec une seule idée en tête. J'y suis, j'y reste. Bon, au départ, notre attitude est purement ou théâtrale ou esthétique. Nous voulons faire quelque chose. Bon, à partir du langage. Alors, nous sommes des gens de métier, on va travailler ensemble. C'est ça, un peu notre attitude. Quand je suis arrivée, un truc qui m'a vraiment choquée, moi je suis arrivée un peu à la bourre, il y avait déjà plein de gens, tu vois, qui étaient là, et je me suis dit, là, mais j'ai vu toutes ces têtes, tu vois, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement de quoi? Tu vois, parce que, bon, ils avaient tous quand même des trolls de tronche, des trolls de look, et puis non, mais c'est vrai, tu vois, ça faisait vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ce stage? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai un peu flippé, je me suis dit, mais... Est-ce que t'as quelque chose à faire avec eux? Bon, puis, je sais pas, tu vois, ouais, je me regarde dans un miroir sur moi, tu vois. Ça m'a fait un peu flipper au début. Et c'est quand Gatti est arrivé que là, je me suis dit que vraiment, bon, ouais, j'avais quelque chose à foutre là. Parce qu'au bout d'une heure, il te prend tellement la tête, hein, que tu restes. Tu restes et maintenant tu sais pas vraiment. On moi, se présente beaucoup plus comme des gens pour qui le langage, l'expression est une chose connue. Et en général, maintenant on le sait, alors donc les gens qui travaillent avec nous le mettent en avant tout de suite. Alors la chose qui fait que ça prend, c'est parce que je suis dans le dictionnaire. Automatique français, Monaco 1924. Alors là, comme ça. Fait que dit c'est la chose, etc. Alors c'est sérieux. Alors les rapports au départ, c'est toute extériorité en quelque sorte. Enfin c'est là, on se cherche. Bon, alors tu arrives dans un commissariat de police. Bon déjà, tu arrives dans une pièce où il y a peut-être 20 flics qui commencent à te parler en thaï, à se foutre de ta gueule, à rigoler, à monter du doigt. Et toi, tu piches que dalle, toi. Et après, alors là, tu arrives dans la tôle. Alors ça, je me rappellerai aussi toute ma vie. Parce qu'on était là-dessus, elle faisait peut-être 20 mètres de long sur 10 de large. Et 40 étrangers là-dedans. Arrive 4 heures, fermeture des portes. Slap, slap. Et là, tous ensemble, sans déconner, tous ensemble, ils sortent de sous leur lit, leur dope, leur garrot, préparent leur shoot, tous ensemble. Ils se lèvent parce que tous, ils sont tellement junkies qu'ils n'ont plus une veine pour shooter. Tout. Et ils font le tourniquet avec le bras tout à l'heure. Ils arrêtent le tourniquet comme ça, là, pour faire amener tout le sang dans le bas de la main, tu vois. Après, ils arrêtent, tac, ils ferment, il y en a un qui lui fait avec un tube. Tu prends un tube de stylo comme ça, t'enlèves l'angle, et après, tu mets une aiguille. Et tu pousses. Tu vois, il n'y a rien. Tu vois, c'est sale. Bon, j'avais l'état d'esprit que j'avais, c'est-à-dire j'avais 18 ans et demi à peu près, tu vois. Et puis, bon, ben, c'était la première fois que je rentrais. Oh, je me dis, ça y est, ça m'est arrivé, tu vois. Bon, tu parles, j'y échapperai, je passerai à côté et tout, et tout, et tout. Et puis, en fin de compte, bah, j'y suis. Et là, j'ai compris l'importance, l'énormité de la chose. C'est que ça y est, je suis tombé, quoi. Je suis entre les murs, ça y est, c'est fini, l'extérieur. Quand sera l'extérieur? Parce que j'avais fait des délits quand même assez très très très, très importants. J'en avais au moins pour 4 ans, tu vois. 4 ans de prison à 18 ans, tu vois. Et ce bruit de serrure, c'est très important pour moi, parce que pour moi, la tôle, ça touffe, tu en l'air. Ça fait 6 ans maintenant, quoi. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais jamais habité dans des immeubles. Moi, je venais des corons. Ça m'a pas changé en fait. J'ai mis un mois pour commencer à me repérer dans tous les immeubles. Quoi. Je rentrais du travail. Attends, on va traverser. Je rentrais du travail. Je cherchais où j'habitais, tout ça. Quoi. C'est vraiment angoissant au début. Puis après, bon, tu t'habitues, quoi. Et puis ça va tout seul. Puis après, t'es bien content. Enfin, moi, je me plais bien ici. Alors, c'est soit les étages, soit le sous-sol, soit le milieu. C'est ça qui est bien. Moi, je considère ça comme des cités lacustres, des fois. C'est vrai, quoi. C'est un peu monté sur Piotti, quoi. Moi, je me suis jamais fixée, mais cela dit, j'étais vraiment bien, bien à fond. C'est-à-dire que je m'en mettais quand même plein la tête. Hein. Je me suis jamais défoncée trop pour le plaisir, en fait. Seulement défoncée pour être défoncée, quoi. En ça, je m'en mettais plein la tête, tant que j'en avais. J'ai vraiment commencé vraiment à écrire, mais pour écrire, en arrivant ici, au Mirail. Et ici, j'ai vachement écrit. Je dois avoir une centaine de textes sur le Mirail, tu vois. Et il me rappelle un texte que j'ai écrit, on est au 13e, là, tu vois. Et un soir, j'étais ici, et puis je flippais. Et j'ai écrit un texte, et ça s'appelle L'espace vital. C'est sur les espaces, justement, quand on est concentré et tout ça. Et dans le milieu du texte, j'écris... Je peux te dire ce que j'ai écrit. J'ai écrit au 13e étage de ma tour, j'ai planté ma tente à rêver, mon téléviseur intérieur, et je lâche l'immensité du ciel moqueur, comme un enfant affamé de vie, comme un adolescent fugueur. Autobiographique. Le personnage qui, dans un paysage parallèle à celui que la caméra découvre, avance sous les coups de crosse policiers, sans pantalon, sans chaussures, les mains en l'air, dans la neige, jusqu'aux genoux. Tu dois être à l'intérieur de lui et l'interroger. Savoir les mots justes de cette aventure, quelle histoire créer autour d'eux pour que, partant des apparences, ils en créent d'autres en route vers l'univers qui les multiplie, qu'ils soient sa présence parmi nous. La bataille n'est pas contre des hommes à fusil. Elle est entre le réalisme et la tentative de dire par d'autres voies le passage à ce moment-là de l'oiseau dans le ciel. Fragment d'interrogatoire. Demande. Qu'est-ce que tu foutais dans le maquis? Réponse. Et l'oiseau, lui, qu'est-ce qu'il y fout? Le départ, en disant... il faut que vous sachiez qui va essayer de vous donner une dignité. Alors, c'est vous. Donc, qui je suis? Qui suis-je? Pierre Dispense, un martien de sexe masculin, 22 ans, perdu sur une planète qui cherche sans relâche quelque chose pour retrouver sa route. Et je crie bien fort que je veux vivre, avec ou sans vous. Mais pas comme vous. Sans mon trafic de poudre. Ça m'échec volé. Ça lui, ils écrivent qui je suis. Vivre. Et puis ils viennent le lire devant je les autres. Je cherche les gens qui voudraient vivre avec moi. Merci. Je m'appelle Abdelkader Benzemour. Je suis né le 18 juin 1966 à Oran, en Algérie. Né à Paris, parents inconnus, direction la DAS. À l'âge de 4 ans et demi, adopté, direction Paris. Enfance patrie glorieuse. Je m'appelle Françoise, j'ai 30 ans, je vis avec mon fils Julien de 9 ans. J'ai l'impression d'avoir fait une confession. Faut d'abord qui je suis, j'ai 30 ans, alors je savais pas trop entre ce que j'ai fait, j'en ai tellement fait, et ce que j'ai écrit, vraiment, à la limite ça me dépassait, quoi. Comme si j'avais rejeté plein de trucs que j'avais dans la tête sans contrôler, quoi. Un peu ça. Qui je suis? Je m'appelle Ménadi Claude, je suis né le 24 janvier 1963 à Revel, Haute-Garonne, de père algérien et de mère également algérienne. Ça m'a surpris, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Et ton qui je suis, qui l'a lu, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Comme je sais pas lire et tout, je sais pas écrire, Et c'est quelqu'un qui m'a écrit le test. Et c'est Armand Agati qui m'a lu. J'avais honte et j'avais. Tu vois, j'avais un peu. J'étais un peu. Comment dire. J'avais un peu honte. Il m'a demandé d'écrire qui on était, quoi. Comment on se voyait, quoi. Moi, ça m'a fait chier, quoi. Parce que moi, j'ai pas arrêté d'y penser et je l'ai écrit. J'ai écrit deux fois, hein. Et je me suis levé la veille de le présenter, de le lire devant tout le monde. Je me suis levé 4 heures au matin pour tout écrire, dire non, t'es un menteur, quoi, c'est pas ça, quoi. Alors là, je l'ai vraiment écrit. Mais ça m'a bouffé la tête pendant 3-4 jours. Moi, ça me fout mal à l'aise parce que je sais pas, t'arrives. Normalement, on te dit que tu vas faire un stage de théâtre, c'est-à-dire qu'on va te donner un rôle et c'est à toi de faire vivre un personnage. Mais moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, bon, la cuisine, voilà, t'as un texte, t'as un machin. Mais qui je suis, moi, enfin, je veux dire, moi, je voyais pas ce que ça venait foutre là. Et je me suis dit, mais à quoi il joue ? Il y a un piège. Je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle, pluriel. Le but, c'est que leur vie soit revendiquée. Ils ont fait ci, ils ont fait là. L'assassin, comme le voleur, comme le hein, voilà, je suis ça, ça et ça et ça, et après. Et à partir de là, on va discuter. C'est un peu ça le but de l'opération. C'est pour qui, étant donné ce qu'il est, qu'il se sente à égalité avec les autres. Quand j'ai eu 13 ans, c'est là que tous les malheurs me sont arrivés. Mon père est mort, dans des souffrances atroces. Je ne peux pas vous les raconter. Mais moi, non, j'ai écrit pas. Mon qui je suis, mais ça a été très dur pour moi. À chaque fois que j'essayais d'écrire, bon, je perdais le sens des mots, je me paumais totalement dans mes phrases. Puis à force, à la longue, on m'a aidé, puis on m'a dit, bon, c'est une feuille, mais aussitôt que tu écris sur une feuille, bon, ça y est, elle est vivante. Moi, je voulais pas l'admettre. Et à force, je me suis dit dans la tête, ouais, vraiment, si j'écris, ça y est, elle est vivante. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Au futur, je serai, tu seras. Il sera. On entre dans le mot, on entre dans la parole un peu comme on entre en religion, quoi. C'est-à-dire, on entre là parce que il y a brusquement l'explication de l'être qui se trouve là, cet être bafoué, annulé, qui n'est en général jamais pris au sérieux, qui est toujours pris, enfin, hein. Et cet être brusquement sent que à travers cette expérience, il va, et là on insiste beaucoup, hein. Alors, non seulement vous devez être comme les autres, mais mieux que les autres. Et là, vous devez faire la preuve, hein, que, faisant un spectacle, vous faites mieux que les autres. Alors, disons, c'est poser un peu le problème de façon... disons, c'est pas mieux que les autres, c'est différent. C'était vachement dur. Ce qui a été le plus dur, c'est le qui je suis. Je passais une nuit blanche et puis j'arrivais pas à le sortir. Puis j'ai fait 10 pages. Puis en fait, il en est resté une, en fait, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, qui je suis ? Ma vie, quelle farce ! Je m'appelle Hélène et je suis née le 4 septembre 1963. Le 28 juillet 1978, décès de ma mère. Le 9 octobre 1978, décès de mon père. Suicide. J'en veux à ma mère, j'adore mon père. On ne ment plus, on est sincère. 15 qui je suis pour un qui tu es, Patrick. Quand les mots deviennent explicatifs, formant un bloc d'images tragiques, que les phrases sur la vie de chacun te prennent les tripes, l'ombre de nos cris émerge enfin du carcan sordide où elles étaient confinées. Qu'il a été difficile de parler de son père mort, de son ami emprisonné, de ses années suicides, anonymes parmi trop d'autres anonymes, sans moyen d'expression, sans pouvoir crier au monde son mal de vivre, son besoin d'exister. Cas sociaux par-ci, délinquants par-là, étiquettes sordides, juxtaposées les unes sur les autres, dans le dos voûté de ceux que notre société a rejetés. La solidarité des mauvais jours a réuni les oiseaux par espèce, mais ni les colonies permanentes. Ni les troupes éphémères de l'hiver ne produisent de vrais chanteurs. Car c'est dans la solitude que le cri va naître au chant. Le pinson, pour trouver sa strophe, devra avoir rompu avec ses compagnons d'hiver. L'alouette ne s'élèvera en chantant que lorsqu'elle se sera séparée de ses sœurs migratrices. Alors, la deuxième phase, c'est à qui il s'adresse. Je m'adresse à toi, la femme qui m'a mise au monde. Je ne te dis pas mère puisque tu m'as laissée. Ce ne sont pas tes brèves visites et ton paquet de bonbons que j'attendais. Je m'adresse à ma femme, fragile, malade, mais toujours gaie. Ma femme, opposante à l'armée rouge, qui a perdu son travail sans pouvoir en trouver un autre. Je m'adresse aux exterminateurs municipaux, ceux qui laissent traîner une poudre blanche, du fluor qui attire le cafard comme le whisky les gens gros à Toulouse. C'est bon marché, cafard et blatte le tolèrent, et à la longue, c'est intoxique. Je m'adresse aux fric, au pognon, à l'argent, parce que c'est ma seule préoccupation. Tout en sachant que si je n'arrive pas à m'en séparer, j'enfouirai le reste à une telle profondeur qui finira par ne plus exister. L'argent, c'est maudit. Je pourrais aussi m'adresser à tous ceux qui font que je n'existe pas, mais peut-être n'en valent-ils pas la peine. Chaque personne vient là avec son drame, avec sa façon d'être, sa façon d'exister, et tout ça devient écriture, devient expression de l'individu. Je m'adresse à Barcelone, je m'adresse à la Calle Teresane, au commissariat, à ceux qui m'ont mis la tête dans une poche pour me faire parler, au policier qui à ma droite me disait « mon pauvre », à ceux qui de la gauche me disaient « fils de pute ». Je ne m'adresse à personne, je n'ai besoin de la compassion de personne, une exception quand même, mon chien. Je ne m'adresse pas seulement aux portes des prisons, mais aussi à ce qu'il y a par-dessus les toits, la nuit, les lumières, les insectes qui flottent dans ces lumières et le vol des oiseaux nocturnes. Je m'adresse aux cellules de mon corps que j'ai souvent malmenées, à l'inégalité de la vie, au désespoir, aux gens que j'ai côtoyés et avec qui je n'ai jamais pu faire grand-chose de vraiment cohérent. Je m'adresse aux millions de pas qu'il me faudra faire pour sortir de cette cercle de l'enfer. Puisque vous savez qui vous êtes, puisque vous savez à qui vous vous adressez, maintenant vous allez dire de quoi, de qui vous voulez parler. Je, page zéro de la grammaire. Otage de la narration. Elle. Nous renonçons des révolutions perdues. Tu, je, à titre caserné. Cette recherche du mot, cette recherche de la parole errante, par quoi a-t-elle commencé? Sur quoi s'est-elle structurée? Rendre le possible, possible. Et là-dessus, il faut remonter à Pissacane, qui reste une des têtes certainement les plus attachantes de ce sud italien, qui a donné Pissacane, Caffiero, Malatesta, etc., c'est-à-dire les grandes têtes, ces grands visages de l'anarchie, une espèce de romantisme presque dans la politique. Et alors, ce Pissacane qui reste un peu le visage central de tout ça, c'est lui. Le possible n'a pas de théorie. Je, tu, nous, vous, il, sans lexique. Je, page zéro de la grammaire. À l'interrogatoire. Elle, tu, autobiographique. Non généalogique. Vous, expiatoire. Tu, à titre d'exemple. Tu, appel. Nous, vous, prenons dialogue. Bon, il y a des formes de lutte qui sont nées de la résistance. Moi, c'était mes premières luttes, quoi. C'est un peu là-dessus que j'ai engagé, enfin, bon, de tout ce que je suis, enfin, ma vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le mouvement anarchiste, Macnon a été condamné par presque tout le monde. S'il représente pour nous ce qui est de plus pur et de plus vrai dans le mouvement libertaire, ce n'était pas l'avis des officiels de l'époque, parce qu'il y a des officiels partout, même là-dedans. Kepler, pourquoi Kepler? Parce qu'il se prenait pour un chien. Et les mathématiques, c'est ça. C'est se prendre pour un chien. Le chien, c'est vrai que c'est étonnant quelque part. Non, mais ça venait d'un fait très, très simple. C'est que lui, parce que les chiens qui ont beaucoup d'odorat, qui ont beaucoup de, etc., il y a une chose qu'ils n'ont presque pas, c'est la vue. Et lui, qui a découvert les plus grandes, qui a renversé l'histoire de l'humanité totalement, et lui, il n'y voyait pas. Il avait des troubles de la vue, il voyait quatre fois le même truc. Et c'est avec ça, en voyant quatre fois les mêmes trucs, qu'il a réussi à découvrir tout ce qu'il a découvert. Là, c'est une histoire fantastique. Alors, Kepler, c'est vers le 15e siècle. Ouais. Eux sont des exclus du langage mathématique. Exclus, totalement. Ça, pour eux, c'est... Bon. Et alors, partant de Kepler, et surtout que Kepler avait un côté très particulier, parce qu'il y a toujours l'endroit dans lequel il pénètre dans le personnage. Et le chien... C'est un marginal de la société. Et Essayer de prendre le taxi ou essayer de prendre le machin, on ne veut pas de chien. Il y a les endroits, le chien est barré. Il n'a pas. Et là-dessus, il s'y retrouve. Et alors, c'est-à-dire que c'est toujours ce petit biais dans le qui fait que le thème devient vrai, et à partir de là, l'aventure peut s'enclencher. Mais il faut qu'au départ, il s'y retrouve. Et là, simplement, je voudrais signaler cette espèce de tragédie. Tragédie chaque fois qu'il y a un groupe d'hommes qui a l'impression qu'il est en train de changer quelque chose de très important. Hein, cette espèce de besoin, cet appel vers des intellectuels qui viennent, qui nous apportent une théorie, une vérité plus grande, qu'ils tirent de nos combats, qu'ils tirent de ce que nous faisons. Bon, la vérité du mot, la vérité de la pensée, la vérité du verbe. Et à ce moment-là, chaque fois, il se passe, chaque fois, peut-être pas plus dans l'avenir, puisqu'à force d'être averti, on finira un jour par comprendre ces choses-là, mais je suis en train de penser au Guatemala. Bon, il y a eu d'autres formes de lutte dans lesquelles je me suis engagé, je ne me suis pas toujours retrouvé. Tu vois, j'ai parcouru un peu le monde, je me suis retrouvé au Guatemala, où ça a une très grosse importance, puis je me suis retrouvé en Chine, puis je me suis retrouvé de nouveau en Amérique latine, puis je me suis retrouvé à Cuba, puis je me suis retrouvé, etc. Enfin, tu vois, j'étais un peu à la recherche de moi-même ou d'un langage dans lequel je me serais retrouvé enfin en entier. Et si j'en ai trouvé des morceaux de temps en temps, ça n'a pas toujours été le cas. Il n'y a rien de plus solitaire que la création, et c'est toujours 1 plus 1 plus 1 plus 1. Lorsque quelquefois ils se rencontrent et qu'ils deviennent solidaires. Hein? Mais il ne s'agit pas du tout de faire les grandes unanimités. Pour nous, ça n'a jamais existé. Sur chaque je, chaque tu, chaque nous, chaque il y a les ombres portées des républiques d'un jour, constructrices des égalitarismes. Il y a les ombres portées des républiques d'un jour, constructrices des égalitarismes coupeurs de tête, fabricants d'horloges où les aiguilles sont toujours plus nombreuses que les chiffres. Mammouth a un seul titre, celui de l'absolue solitude. Pour savoir mourir debout sur toute l'étendue du siècle. Comme Macno, comme Durruti, comme Cafiero, comme Gramsci, comme Varlin. Le verbe commer, faire comme, a disparu du dictionnaire depuis plus d'un siècle. Enlèvement. Tu peux dire univers ou livre, c'est exactement la même chose. Tu peux dire voyelle ou tu peux dire homme, c'est exactement la même chose. C'est exactement. J'ai retrouvé un croquis qui passe des différents stades de la vie et qui va jusqu'au corps final. Et vous voyez ces différents stades. Vous prenez une grammaire en face, vous prenez un alphabet et vous faites c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Et c'est vrai que nous sommes faits de tous ces éléments. Il y a une lecture qu'on peut faire de l'homme. Il y a une lecture, on peut lire un homme. Et bon, il y a des gens qui s'y emploient, enfin, et même, donc c'est la profession, mais de lire l'homme tel qu'il est. Bon, c'est un livre, l'homme. C'est la même démarche dans la vie, dans la création, dans le monde, etc. Et là, dans le cadre de nous, ce que nous faisons, ça a en plus, je veux dire, cette force de parabole qui dit bien qu'il y a un univers et la place que vous réclamez. Parce que vous êtes des êtres signifiants. Vous avez quelque chose à dire. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Tout ce qui s'est passé. C'est toujours une de ces histoires d'affamés qui ne passent plus la rampe. On est venu éclater le vide, le nôtre et celui d'à côté. Peu importe si les morceaux seront ceux d'une espérance ou d'un amour arnaqué. Prison. Sur les murs à contre-jour de la crapuleuse malchance. De la crapuleuse malchance. Mais que faire de la lumière si tout le monde est aveugle? Et puis c'est cette histoire du siècle, on n'en a pas d'autre. C'est celle-là, c'est la nôtre. Si on ne dialogue pas avec elle, avec qui va-t-on dialoguer? Si le théâtre, c'est pas ce dialogue avec le siècle, ça n'a aucun sens. Enfin. Alors à chaque fois, je sortais à midi, quoi, j'étais... J'avais pas envie de bouffer, j'avais envie de... Vraiment, ça... Ouais, moi, des fois, j'ai envie qu'il arrive. Voilà. C'est trop, quoi, quand il parle. Et puis, c'est des trucs qu'on a lus, que moi, j'ai vu les films et tout, mais c'était des films, c'était des bouquins. Tandis que là, lui, il y était... Il a senti, il a... Qui se taise, tu vois, ça suffisait, quoi. C'était... C'est trop présent. De par sa présence à lui, c'est trop présent. Alors donc, t'en prends plein la gueule, en plus, tu vois. Armand, pour moi, c'est un personnage. Je crois que c'est la première personne qui me prend tant, qui m'a autant marqué. Et qu'est-ce que je peux en dire? C'est trop fort, quoi. Je peux pas l'exprimer. Et... Enfin, je sais pas. C'est... En même temps, ouais. Ça... Ça m'a conforté aussi, quoi, de savoir que lui avait vécu ça et qu'il s'en était sorti après, quoi. Hein? Et en même temps, je me disais, bon, mais toi, si t'arrives aussi à faire un truc, tu t'en sortiras aussi, quoi. C'est-à-dire que finalement, on fait la séquence classique de tout spectacle, le jeu qui s'adresse à vous et qui, ou à tu, et ensuite le il, elle, dont on parle, enfin... c'est-à-dire qu'on refait la grammaire, là, tout simplement, tout... et cette grammaire transportable dans tout ce qui est l'expression de l'homme, quoi, c'est bon, là. Et maintenant, dans tout ça, Maclo. Maclo, pourquoi Maclo? C'était un paumé. L'histoire n'en a pas voulu. Il est rejeté de partout. Il y a, évidemment, une pensée libertaire qui entretient, disons, presque, dirais-je, le culte de Macno, en tous les cas, une espèce d'adhésion au personnage qu'il a été, etc. Mais en général, c'est... Macno, fabulé, fantasmé, nouveau loto. Pourquoi pas? Et toi, t'es là à attendre nos écrits. Au départ, quand on m'a parlé de Macno, un anarchiste ukrainien, je me suis dit, ça y est, on va encore me casser les pieds avec des histoires politiques d'il y a un siècle. Je ne me suis déjà pas intéressé à l'histoire de France. Allô, Macno, il me faudrait une autre Sibérie, un autre cheval pour galoper plus vite. Madame Marxiste, Macno, je vous salue. Tu sors de ton placard, on te colle dans nos oreilles. C'est dur. Des révoltes, des révolutions, des insurgés, il y en a plein ma cité, mon écriture, je te rajoute. Macno, c'était un mot, une femme, un bateau. Macno, c'est... Ici est venu jouer, il y a presque 50 ans, un homme cassé, enfermé dans sa langue, se traînant par moments. La balle d'oum-doum qu'il a dans la cuisse ne peut être extraite que par amputation de la jambe. L'argent qu'il joue, c'est celui que les anarchistes laborieux, des émigrés comme lui, cotisent pour lui permettre de vivre. Ici, la révolution commençait en Ukraine par la plus grandiose des chevauchées, celle de la Makhnovchina, vient s'échouer sur les pronostics des chevaux du PMU. Le tiercé n'existe pas encore, mais c'est la même salle. En ces lieux, la révolution a un visage balafré, couturé et un nom d'émigré, Nestor Macno. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est quoi? Bien, bonjour, Macno, il décide de faire un vol, c'est-à-dire que ce jour-là, il a décidé de monter sur un des chevaux qu'il regardait tous les jours, et il a piqué ce cheval. Il s'est trouvé sur des mecs très très forts, et puis il s'est pris plein la gueule, il a été obligé, à ce moment-là, de se barrer à Paris. Il s'est barré à Paris, Macno, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était un très bon cavalier, il a été engagé à Vincennes comme jockey. Macno, donc, il devient une star du tiercé, et plus tard, un accident de cheval sur une fameuse course des et il a été enterré au Père Lachaise, un cimetière des stars. Ici a été incinéré l'homme de la Makhnovchina, dont le dernier appel à l'histoire fut « Prolétaire du monde entier, descendez dans vos propres profondeurs, cherchez la vérité, créez-la, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. » Moi, Je voudrais lui faire habiter une chanson à Macno. Mes chansons. Ça le rajeunira. Hé, Rosette, si c'est un gitan, il faudrait le suivre. Femme, voilà les gendarmes. Je vais m'enfuir. Cours, cours, petite fille. Le groupe libertaire. Déjà, on va donner aux personnes qui seront là, hein, ici, une vue, vraiment la vraie tête de Macno. Le seul qui est survécu. S'il y a la photo, s'il y a le machin, on voit. Celui qui tient le sabre, c'est le matelot Fedor Chouz. Et puis le sabre l'ennuyait. Il foutait le sabre en l'air, et il fonçait comme ça, et tous les autres étaient là, parce que c'était terrible, là, il se taillait en pièces. Là. Comme ça, il arrivait dessus, hop, il déroutait le cheval, ce qui fait que l'autre était désarçonné, à ce moment, il le prenait toujours avec la main. Ah, c'était quelqu'un. On continue. Rosette, je voudrais poser une question. Le sujet de l'émission. C'est clair pour tous, là ? Oui, bien sûr. Pas pour moi. Et Rosette a raison, c'est pas clair. Donc, nous en revenons à la discussion. Toute leur aventure, elle la court avant. Après, c'est. Bon, c'est peut-être une assaise que celle particulière que celle d'affronter un public, de se trouver face à ce public. Mais tout ce qui est le potentiel, l'intéressant, l'âme de l'aventure est dans le travail et dans toute l'approche, comme les hauts, les bas, tout ce qu'il y a eu, et que la véritable dramatisation, là, hein, elle est là. Et tu crois que j'ai peur ? Je suis phoque. Je suis le phoque. Je suis le phoque depuis 13 ans, date de mon arrivée en France. C'est pas seulement la prédisposition au départ, enfin, qui joue. C'est brusquement la prise de conscience de soi. Et là, il y a un exemple qui peut être typique, c'est celui de phoque. Phoque, bon, c'était un caïd. Un caïd des quartiers les plus désespérés de la région, là-bas, la Bagatelle, ça s'appelait. Et vous savez, qui on voit dans l'expérience ? Phoque. Très seigneur, très... comme ça. Et alors, on savait qu'il était dealer. Et alors, pourquoi était-il là ? Parce qu'il a pensé que c'était un lieu où il pouvait vendre facilement un machin, et que ça lui faisait une place de plus à avoir en plein centre de la ville un lieu. Bon, et il était à la périphérie, là-bas, à Bogatelle. Et en plein centre de la ville, pour lui, c'était un gros coup. Parce qu'il est installé dans un endroit avec tout. Et alors, il a fallu discuter avec lui. Et il avait un côté abordable. Enfin, il a un côté abordable parce que tout ce qui était nord-africain, il s'en occupait. Et en particulier, alors, pour les trucs d'écriture, il y avait beaucoup de ses compatriotes qui étaient analphabètes. Il travaillait avec tous pour essayer qu'on soit présentable. Donc, par ce biais-là, c'était quelqu'un qui, en principe, était ouvert, enfin, à un dialogue. Alors, je dis, il n'y a qu'à discuter avec lui. Et alors, il dit, bon, écoute, c'est pas possible. Tu t'es trompé d'endroit. Et alors, il me dit, non, monsieur, non, j'accepte pas. Je refuse. Moi, ça m'intéresse. Et je dis, oui, ça t'intéresse, mais pour de toute autre raison que celle que je pense qui devrait t'intéresser. Or, cela ne t'intéresse pas du tout, tu t'en fous. Et, bon, alors là, je joue sur la vérité. Tu es un homme, il faut que tu saches prendre tes responsabilités. Tu vas t'en aller. Je ne suis pas d'accord. Alors. Et alors, on discute. Non, je ne suis pas d'accord. Et alors, finalement, on commence à lui dire, mais écoute, alors, il y a une chose. Tu vas me dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu en es capable ? Et il me dit oui. Et je dis, alors, explique-moi. Si tu m'expliques, moi je suis prêt, j'accepte tout. Mais il faut que tu m'expliques. Et alors, c'était là, moi, il dit, voyez-vous, monsieur, Ce qui m'intéresse, moi, c'est la mort. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et j'y pense tout le temps. Et mon école a été ma rage contre ceux qui se prennent pour des surhommes parce qu'ils ont des... Alors là, ça m'a vraiment fortement... Je suis resté sans... Et il dit, bon, eh ben... Et j'aime pas trop parler. Ben alors, reste. Et je suis très doux, même si l'apparence n'est pas. Et mon problème, c'est la mort. Et souvent, je me demande ce qu'il y a après. À toi, Nathalie. Non. Non! Alors, tu dis pourquoi non? Je suis une pierre sur laquelle est gravée Nathalie, mon nom! Une pierre qui roule et qui n'amasse pas mousse. Elle a dévalé jusqu'à Toulouse au premier choc. Il m'a envoyée en l'air. Je ne suis plus retombée. En suspens. Une pierre dans une avalanche, est-ce qu'elle respire? Depuis Macno, ça n'a pas changé. La seule université à laquelle nous avons droit, c'est encore la prison. Nous n'avons pas réussi à être un personnage historique. Il y en a qui ont fait de fausses signatures et de faux calculs, qui se sont rasés en bunk, se sont tressés le chignon samouraï, mis l'œil de Caïn comme lorgnon. Nous n'avons pas réussi à être un personnage historique. Nous n'avons pas réussi à être un personnage historique. Nous n'avons pas réussi. Mais qu'est-ce qu'elles ont les femmes cette année à toujours vouloir décider pour les autres? Cette fois, on s'était dit, avec le cigare, le melon et les ailes d'ange multicolores, comme un film en arc-en-ciel. Au juste, c'est quoi un personnage historique? Le soir, en rentrant au foyer, on arrivait de faire un casse avec la tête de Léon Trotsky. Un personnage historique, quelqu'un qu'on essaie de faire revivre pour les bonnes ou mauvaises choses qu'il nous a laissées. Un personnage historique, pour moi, c'est pas grand-chose. C'est un créateur de guerre et puis de loi. Pour moi, un homme historique, c'est comme Elvis Presley. Elvis Presley, il a fait une carrière. Il est mort, ce mec. Faut jamais l'oublier. Un personnage historique, c'est quelqu'un qui a laissé son empreinte à travers le temps et l'histoire, soit par acte de courage, ou par ses découvertes, en bien ou en mal. L'histoire, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est hier. Et c'est vous et c'est moi. Moi, un homme préhistorique, je vois pas du tout... ce que c'est. Oui, chers téléspectateurs, vous êtes en direct du studio Vodka pour suivre la rencontre Macno-Lénine. Petit récapitulatif avant de suivre le reportage de notre envoyé spécial. Alors, ils donnaient leur version de tout un tas de personnages, de Macno, de Lénine, de Trotsky, de tout ce qui avait hanté, enfin, un peu les générations précédentes, essayant d'être des personnages historiques comme ça. Alors, évidemment, avec un pittoresque, parce qu'il n'y a rien de tel que... une rencontre entre Lénine et Macno, par exemple, pourrait être comme match de boxe, enfin... Oui, joli. Qu'est-ce que je suis lourd ? Camarade Lénine, je suis ici pour vous demander votre aide, qui me serait précieuse. Je demande... Mais les Lénines, qu'ils soient simples, double, à moitié ou à trois quarts, je demande... Ils ont toujours raison. Qu'est-ce que lui prend, il a changé sa garde ? Ils diront, les anarchistes, ils sont presbytes et fanatiques. Ils ne voient que le futur éloigné et ignorent le présent. Macno fut surpris, mais la balle était dans son camp. Les jambes qui se paralysent, je ne peux plus, quoi. Moi, j'arrête, moi. Je me laisse tomber, qu'est-ce que je fais? Et ce public qui crie, là. Ah, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, Lénine a gagné par abandon. D'autres informations dans le journal de 20h. Ici Zorro, à vous Vodka. Ça y est, on tient le personnage. Mais l'histoire... C'est pas fait pour nous. Ça y est, on tient le personnage. Mais l'histoire, c'est pas fait pour nous. Nous ne sommes pas faits pour l'histoire. Alors, pourquoi sommes-nous faits? Ils abandonnent. Pas nous.